Livingstone et ses voyages, par Richard Cortambert. Dans notre civilisation démocratique, le point de départ de chaque existence n'a plus qu'une importance de plus en plus restreinte. L'intelligence elle-même n'est pas aujourd'hui le plus sûr moyen d'atteindre la célébrité. Ce qui est nécessaire, avant tout, c'est l'obstination au travail et la persévérance de la volonté. Livingstone en est un des plus remarquables exemples. L'illustre explorateur de l'Afrique est né en 1815 à Blantyre, village écossais. Ses parents étaient de simples ouvriers. Il fut d'abord ouvrier lui-même. Il fit deux parts de sa vie. L'une était consacrée à son rude métier de tisserand et l'autre à l'étude. C'est ainsi qu'il apprit sans maître le latin, les mathématiques, l'histoire, la géographie et la littérature, ainsi que la théologie. Son salaire d'ouvrier lui laissait quelques économies qui lui permirent de passer les hivers à Glasgow et d'y suivre des cours de grec et de médecine. Il parvint ainsi à être reçu docteur et se fit missionnaire. Livingstone, en possession de son double titre, s'éloigne d'Angleterre avec la pensée de prêcher l'évangile dans l'Extrême-Orient. En route, il apprend que les Anglais ont déclaré la guerre à la Chine. Il s'arrête au Cap. Il ne convertira pas les disciples de Faux, mais les païens de l'Afrique australe. D'abord, il se marie avec la fille du docteur Moffat. Ses préparatifs achevés, il s'avance au nord, accompagné de sa jeune femme, à la tête d'une petite troupe d'hommes déterminés. Un wagon massif traîné par 5 paires de bœufs emporte les voyageurs au bord du fleuve Orange et de là vers Kuruman. On se livre avec passion à la chasse dans ces contrées désertes où les bêtes fauves abondent, et Livingstone s'y distingue par son adresse et son sang-froid. Quant aux conversions opérées par le missionnaire, elles sont à peu près nulles. La caravane s'arrête auprès d'un chef indigène. Livingstone y reste plusieurs années et part quand sa présence devient suspecte à ces peuplades superstitieuses qu'il accuse d'empêcher la pluie dont ils ont besoin pour échapper au fléau d'une longue sécheresse. Le docteur et les siens, qui marchent en ligne directe vers le nord, franchissent le désert de Kalahari et découvrent, au mois d'août 1849, le lac Niamey, une des plus belles nappes d'eau de l'Afrique australe. Le chef du lac fait au nouveau venu un accueil des moins gracieux. Il refuse de leur vendre des vivres. Livingstone part et pénètre dans le pays des Makololo, qui devient le quartier général de ses excursions. Les Makololo sont d'un caractère doux et cordial, et plus intelligents que les autres indigènes. Leurs femmes ont trois défauts, elles s'enivrent avec une liqueur forte, s'arrachent les dents de la mâchoire inférieure et battent leur mari. Livingstone, tout en fixant le siège de sa résidence à Linyanti, capitale des Makololo, reconnaît le Zambèze et fait des excursions dans les contrées environnantes. Après quoi, il prend la résolution de s'avancer à l'ouest, jusqu'aux rives de l'Atlantique, trajet de 400 lieues. Il se choisit une escorte parmi les indigènes Makololo, franchit le territoire des Barotse et s'arrête quelque temps dans le pays de Londa. Le souverain l'admet en sa présence. Livingstone lui fait voir la lanterne magique, ce qui donne lieu à des scènes plaisantes. Il quitte le pays de Londa et continue sa route, qui devient difficile quand on pénètre dans les territoires déjà explorés par les Portugais et les Négriers. Enfin, la caravane arrive à Saint-Paul-de-Loanda et les indigènes promènent, non sans terreur, leur regard sur l'immensité de l'océan. Le retour s'effectue sans mésaventure. Les Makololo trouvent leurs femmes remariées, mais les nouveaux possesseurs les restituent sans difficulté. Livingstone repart de Linyanti en 1855. Cette fois, il veut atteindre l'océan Indien. Il ne quitte guère les bords du Zambèze, salue du nom de Victoria la cataracte que forme ce fleuve, digne rival du Niagara, et traverse les territoires des Batoka et des Baniyai, possesseurs actuels du Monomotapa. Les mœurs de ces deux peuplades sont originales, surtout celles des Baniyai, dont le gouvernement est une sorte de république féodale qui rappelle celle de la Pologne. Enfin, on touche au rivage de l'océan Indien. C'est le moment de la séparation. Les Makololo manifestent la plus vive douleur. Ils veulent suivre Livingstone en Angleterre et l'attachement passionné, les regrets naïfs de ces sauvages font l'éloge du caractère de notre voyageur. Débarqué en Angleterre, Livingstone y reçoit un accueil des plus flatteurs. Il est parti inconnu et son nom est dans toutes les bouches. Mais 18 années passées au cœur de l'Afrique lui ont fait désapprendre la civilisation. À peine sait-il parler et écrire sa langue, ce qui ne l'empêche pas, après s'être remis à l'étude de l'idiome natal, de publier son bel ouvrage « Exploration dans l'intérieur de l'Afrique australe » de 1840 à 1856. Livingstone, à vrai dire, n'est pas écrivain, mais il a un très grand mérite pour un voyageur. Il est vrai, et l'on sent qu'il est vrai. S'il ne charme pas par la grâce du style, ni par l'habileté de la mise en scène, il fait mieux, il inspire la confiance, et on le croit. En 1858, il revient à l'embouchure du Zambèze. Il est accompagné de sa femme, de ses enfants, de son frère Charles et du docteur Kirk. Son séjour en Afrique doit être de 6 années. Il remonte le Zambèze sur un bateau à vapeur, rencontre à Tété ses Makololo, qui témoignent la plus grande joie de le revoir, salue de nouveau les magnifiques chutes de Victoria et retourne de là à l'Inyanti, où le roi lui fait un accueil aussi cordial que la première fois. Après avoir bien étudié le Zambèze, il remonte un de ses affluents, la rivière Chiré. Les indigènes, croyant qu'ils ont affaire à des traitants portugais, s'enfuient à son approche. Cachés derrière les arbres, ils sont prêts à attaquer sa petite troupe à la moindre démonstration hostile. Arrivés au lac Chiroua, les voyageurs sont assaillis par une tempête qui met leur vie dans le plus extrême danger. Après le lac Chiroua, Livingstone rencontre le lac Nyassa, une des plus vastes nappes d'eau qui soit en Afrique. La population riveraine est fort compacte. Toutes les fois que le bateau se présente, ces sauvages ne se lassent point d'admirer cette merveilleuse apparition. Ils ont surtout un grand plaisir à voir manger les étrangers. Livingstone a pu observer dans le cours de cette seconde excursion des peuplades aux mœurs tout à fait primitives, souvent très bizarres. Une végétation luxuriante et d'une étonnante variété, avec une faune qui semble inépuisable. Mais il a payé cher les découvertes dont son courage a enrichi la science. Il a eu la douleur de voir périr plusieurs de ses compagnons de voyage, entre autres son frère Charles, et perte plus sensible encore, sa femme, cette héroïque compagne de tous ses dangers. L'âme forte de Livingstone ne s'est pas laissée abattre par ces tristes épreuves. Revenu en Europe en 1864, il a publié un nouvel ouvrage et cette relation n'a pas obtenu moins de succès que la première. Livingstone retourna en Afrique en 1865. Depuis cette époque, on ne l'a pas revu. « J'ai deux buts, » disait-il en partant, « établir une station de missionnaire dans les parages du Nyassa et m'enfoncer dans l'intérieur de l'Afrique pour y poursuivre la recherche des véritables sources du Nil qui, peut-être, se cache au sud du Tanganyika. » Mais bientôt, un bruit sinistre se répandit. On prétendait qu'il avait été assassiné par les sauvages Mazites. Il n'en était rien. On reçut de lui plusieurs lettres, dont l'une des plus intéressantes est datée d'Oujiji, le 30 mars 1869. Livingstone avait reconnu le Chambèze, qu'il faut bien se garder de confondre avec la tête du Zambèze, et qui appartient à un bassin différent. Ce cours d'eau coule de l'est à l'ouest, se jette dans le lac Bengweolo et de là se dirige du côté du nord vers le lac Moero, traverse cette masse d'eau et se porte vers l'océan Atlantique ou vers le nord, du côté du pays des Nyam Nyam, pour devenir peut-être la branche principale du Nil. Un long silence s'était fait ensuite sur Livingstone. L'Angleterre s'émut et organisa une expédition destinée à rechercher l'illustre voyageur. Mais un simple particulier devance cette patriotique expédition. C'est M. Stanley, reporter du journal américain New York Herald. Il est revenu tout récemment en Angleterre, annonçant qu'il a découvert Livingstone. Au commencement de 1871, M. Stanley était à Zanzibar et au mois d'août de la même année à Kazeh, dans la province d'Unyanyembe. De là, il s'est rendu à Oujiji, où il a eu une entrevue avec le docteur. Des doutes se sont d'abord élevés de toutes parts dans le monde savant. On ne reconnaissait, dans les lettres produites par M. Stanley, ni le style, ni la franche simplicité, ni la nature d'esprit de Livingstone. Depuis, un revirement complet s'est opéré dans l'opinion publique en faveur du voyageur américain. Lord Granville a donné un brevet d'authenticité à cette correspondance, et le fils de Livingstone a proclamé que les manuscrits qui lui ont été remis par le journaliste américain sont incontestablement de la main de son père. Livingstone nous est donc rendu. Avant de revenir en Europe, il veut explorer de nouveau la région des Grands Lacs et résoudre la question des sources du Nil. Quoi qu'il arrive, son nom aura conquis la gloire la plus pure. Il aura dérobé une partie de ses secrets à ce sphinx d'Afrique qui a déjà dévoré tant d'Œdipes. Il aura répandu, parmi des peuplades inconscientes, quelques idées de morale et surtout contribué par son courage et sa droiture à donner du prestige à sa personne et au caractère des Européens. En un mot, quand l'Afrique intérieure, jusqu'ici si complètement étrangère à nos mœurs, sera enfin entrée dans le courant de notre civilisation, elle devra à son intrépide et généreux initiateur une reconnaissance éternelle. Richard Cortambert.